Je revends la mort, je t'assure que c'est de la bonne qualité. Y'a de la douce et de la dure, y'a des 10 et des 20. Dis-moi, tu veux quelle quantité? C'est miné comme dans Quantico. Devenir chérie, traîner dans les Quantico. Au labrin ou si yastique, à plat, vous risquez car c'est qu'après yastique. Hey, y'a plus de grand, y'a plus de petit, ça délume. Quand une fois qu'il n'y aura pas, je l'autre, et ça te vide. Quand une autre parle, il ne le fume. Y'a plus de grand, y'a plus de petit, ça t'allume. Dans ton parking, il n'y aura pas, je l'autre.